J'entends les reins de vos rumeurs de fils de pute. Parlez de WAM comme mon dos, bande de PD. Vous me faites de la pub, élevé à la dure. Les coups de ceinture, on connaît. J'suis venu pour tout niquer, tu peux croire parole de gabonais. J'suis parano, moi, j'vois des traites partout. Trop de gens passent du statut de voyou à celui de Cafbou. Trop de gens louvent et la ferme quand ça colle. Car en fait, dans la street, y'a autant de putes qu'au bois de Boulogne. Ils ouvrent leur gueule, jouent les montagnes à Tony. Ils font les durs, alors qu'en vrai, ils sont doux comme des champomis. Ça parle de gun, de drogue et de cash, bras de zif. Et ils font ce vie, cousin, c'est du bla bla. Petit PD, il faut que tu saches que les vrais bonhommes se font discrets comme un slash. Moi, Gabao, j'rappe la street reality. Les MC sont des imitations gangsta comme Ali G. La scar, l'attitude, tout le monde les prend en l'air. 6-7, débrouillard, baisse les bras si t'es un branleur. Ghetto youth, je le suis forever. Avec rien, on se débrouille, génération MacGyver. C'est la scar, l'attitude, tout le monde les prend en l'air. Baisse les bras si t'es un branleur. Ghetto youth, je le suis forever. Avec rien, on se débrouille, génération MacGyver. Mon rap c'est du haut de gamme, pur comme de la bonne gamme. 6-0 c'est bad gars, c'est chaud comme à Bagdad. Aucune tasse gars, frotte à l'amour de la mama. Pour un boule de nana, cousin on joue les nargas. Ça recoule à mes bacs là, l'état veut nous carna. Bon ou mauvais karma, dans le rap je fous un carnage. Le mic c'est ma galache, dégage si t'as pas lâche. C'est interdit au pédale, on fuck le code pénal. C'est le patron illégal, t'inquiète app qu'il est hal. J'ai la rime infernale, moi j'suis né pour faire mal. J'ai les crocs d'un Doberman, lève tes bras en l'air man. Quand ça tire on court normal vu qu'on n'est pas Superman. La rage d'un animal, tout ça dans les amygdales. C'est pas un match amical, j'te tacle là la abidale. La rage d'un animal, tout ça dans les amygdales. C'est pas un match amical, j'te tacle là la abidale. C'est la scar, l'attitude, tout le monde les prend en l'air. 6-7, débrouillard, baisse les bras si t'es un branleur. Ghetto youth, je le suis forever. Avec rien, on se débrouille, génération MacGyver. C'est la scar, l'attitude, tout le monde les prend en l'air. 6-7, débrouillard, baisse les bras si t'es un branleur. Ghetto youth, je le suis forever. Avec rien, on se débrouille, génération MacGyver. En 2009, y'a que du bluff, en 2010, y'aura du vice. Fuck les keufs, y'a pas que sur les murs qu'on nique la police. 6-0, criminel, débordement trop bas. Je calcule pas bâtard, c'est parce que j'aime pas les maths. C'est quoi les bails, c'est quoi les jeans. Gabao au microphone. Rap interdit, yo poucard, au petit pété, yo bouffonne. Yo, encore une tuerie, je lâche des rimes en furie. J'ai AB sur la Formule 1 et Jet Z et l'écurie. Nous, on achète des trucs propres avec du fric sale. Nique la vie négro, elle est plus belle seulement aux mises de tral. Un son de you, un son de Kai, t'as les tag live. Négro, j'kick la rue en direct, un peu comme dans Street Life. Pas le droit à l'échec, y'a trop de gens qui me soutiennent. On fait des thunes à nos manières en attendant que les sous viennent. J'traîne tellement dans les halls que j'clash des boîtes aux lettres. 6-0, tellement haut qu'on fait péter des thermomètres. C'est la scar,